L'actualité à Nancy et ailleurs. Bonjour Aline Zander, vous êtes chargée de développement des publics chez Théâtre Gérard Philippe. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Vous venez aujourd'hui nous parler de la troisième édition du festival La Bougeotte à Frouard. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter à nos auditeurs le festival ? Alors, le festival La Bougeotte, c'est un festival de spectacles et de guinguettes artistiques qui a lieu pendant 4 jours dans les rues de Frouard. Et c'est des moments où on peut rencontrer les publics et les habitants de la ville autour d'événements participatifs, d'ateliers, d'un food truck où on va avoir un espace un peu convivial. Et qu'est-ce qui fait la particularité du festival selon vous ? Ben, c'est qu'il joue à différents endroits de la ville de Frouard, d'où le nom La Bougeotte. C'était pour dire qu'on sortait des murs du théâtre Gérard Philippe. On peut bouger avec... Il y a un petit atelier qui s'appelle Maniptonique où on va pouvoir bouger en musique, faire de la gym avec des marionnettes. Et surtout, c'est un festival qui est gratuit et qui se veut accessible à toutes et tous. Donc, il y en a pour tous les âges. Vous venez de dire que justement, c'était un festival ouvert à tous, à tout public. Quels sont les dispositifs pensés pour toucher justement ce large public? Ça me permet de parler de deux créations partagées qui ont été réalisées en lien avec un groupe d'amateurs, un groupe d'amateurs adultes et un groupe d'amateurs adolescents qui ont construit un spectacle tout au long de l'année et qui vont présenter uniquement là pendant ce festival. On travaille toute une année pour le jouer qu'une seule fois. Et si vous deviez résumer l'ambiance de La Bougeotte en 3 mots, vous diriez quoi ? C'est dur de résumer en 3 mots, mais je dirais joyeux, découverte et bonne ambiance. Et quels sont les moments forts de cette édition que vous recommandez absolument ? Ah, c'est dur aussi de choisir. Alors sur 4 journées, il y a des moments forts sur chacune des journées. Allez, il y a un moment fort qui va parler à tout le monde, c'est l'inauguration du festival en fait. Donc c'est la bande AGG qui toute l'année s'est retrouvée au théâtre avec la compagnie Bonjour Désordre pendant un an, un rendez-vous par mois. Ils ont proposé des friteries éphémères dans des endroits un peu improbables. Donc il y a eu dans un GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle avec des adultes un peu isolés socialement, un CADA, un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile. Et le but, c'est de permettre la convivialité, la rencontre. Donc on épluche les patates ensemble, on coupe les patates, on fait cuire les frites, et voilà, toutes les frites sont distribuées gratuitement à qui passe dans le coin. Et ils ont enregistré des témoignages, des échanges qu'ils ont eus à chaque rencontre comme ça. Et ils vont nous présenter ça pendant une demi-heure en faisant des frites, comme ils l'ont fait à l'image de toute cette année. Donc c'est le moment de venir découvrir le festival en mangeant des frites. Et si vous venez à ce moment-là, on pourra vous dire sur place les autres moments forts à venir des autres journées. Et justement, où est-ce que nos auditeurs peuvent retrouver toutes ces informations ? Il suffit de taper Théâtre Gérard Philippe Frouard et vous trouverez la billetterie. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il y a quelques événements à réserver parce qu'il y a des petites jauges. Vous retrouverez tous les descriptifs de chacun des spectacles, chacun des événements participatifs sur notre site. Et vous pouvez aussi vous rendre sur le site de la ville de Frouard. Oui, puis comme je le disais, sur Facebook, c'est Culture à Frouard. Il faut chercher, et pareil sur Instagram. Merci beaucoup Aline Zander d'être venue. Le festival La Bougeotte, donc, ce sera du mercredi 28 au samedi 31 mai à Frouard. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.